Libon, libon, à mon avis, danam. Donc, qui n'a pas réussi à faire l'on? Je suis venu au cinéma. Les gens qui ont été en train de se faire, ils sont venus au cinéma, 17 ans. Nous avons eu des billets, talk et tout ça. Donc, 17 ans, le lancement a commencé, il y a un peu de pub par-ci et tout. Je dis que le courant n'est pas fait. Nous avons eu des gens qui ont été en train de se faire, ou nous talk et tout. Je dis que les gens qui ont été remboursés. Nous avons eu des gens qui ont été remboursés. Nous avons eu des gens qui ont été remboursés. Kenn ke ah ne wa ñu top ci bok kenn nga waaw rembourser rek wala ñen déllo ñu suñu xaaliss fofu la lebi jéxé